بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence le cours 72 aujourd'hui dans l'explication du livre de Kitab al-Tawhid, l'explication du petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh Rahimahullah, avec les commentaires de ce charh et les commentaires du charh sont de Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah. Donc c'est le commentaire d'un commentaire. Donc on continue dans le chapitre Bab Tafsir al-Tawhid wa Shahadati an la ilaha illallah, et on est toujours en train d'expliquer les versets qui sont mentionnés dans ce chapitre. On va commencer maintenant l'explication du deuxième verset, et c'est le verset 26 et 27 dans Surat Az-Zukhruf. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a cité, il dit: wa qawluhu wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Donc ce verset signifie: et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple: je me désavoue de ce que vous adorez excepté de celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guidera, et il en a fait une parole qui reste dans sa progéniture pour qu'il puisse revenir. Et dans cette parole, bien entendu, il y a l'explication de la signification de la ilaha illallah. Et on va mentionner l'explication justement dans les paroles du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan et les clarifications de Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc, ici, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique. Il dit: wa qawluhu وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ الْكَلِمَةُ هِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهَا الْخَلِيلُ بِمَعْنَاهَا الَّذِي أُرِيدُ بِهَا وَوُضِعَتْ لَهُ فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون وعبر عما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. Donc ici, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique que la parole dont parle Ibrahim dans ce verset, lorsqu'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple: je me désavoue de ce que vous adorez, c'est-à-dire de tout ce que vous adorez, parce que le peuple d'Ibrahim, ils adoraient beaucoup de choses. Ils adoraient les statues, ils adoraient les astres. Ils adoraient les idoles et toutes sortes de choses, mais ils adoraient également Allah. Parmi les choses qu'ils adoraient, ils adoraient Allah, mais ils adoraient d'autres avec lui. Alors Ibrahim alayhi salam, il leur dit: je me désavoue de tout ce que vous adorez à l'exception d'Allah, celui qui m'a créé, car c'est lui qui va me guider. Donc je me désavoue de tout ce que vous adorez excepté d'Allah, parce que Allah, c'est lui qui mérite seulement d'être adoré, tandis que tout ce que vous adorez en dehors de lui, eh bien, ils ne font pas partie de ce qui mérite d'être adoré. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit donc que la parole en question, quand Allah il dit dans la suite du verset وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ, c'est-à-dire il en a fait une parole qui reste dans sa progéniture, la parole en question, c'est la parole de la ilaha illallah. Et ça, c'est selon le consensus des hommes de science. Ils sont tous d'accord en ce sujet que la parole en question, c'est la parole de la ilaha illallah. Et il dit que Ibrahim ici, il l'a exprimé par sa signification. C'est-à-dire que Ibrahim alayhi salam, il a mentionné donc la ilaha illallah dans sa signification, dans cette phrase qu'il a mentionnée, et il a exprimé la négation de la, dans la ilaha illallah, il y a deux aspects, il y a deux parties. Il y a la ilaha qui est la négation et illallah qui est l'affirmation. Donc la partie négative ou la partie qui contient la négation, elle est exprimée dans la parole de Ibrahim lorsqu'il dit « Je me désavoue de tout ce que vous adorez ». Ça, ça correspond à la ilaha. Et il a exprimé la partie dans laquelle il y a l'affirmation, c'est-à-dire illallah, il l'a exprimé en disant « Illa alladhi fatarani ». Hein? C'est-à-dire illallah, ça correspond à illallah. Donc ça c'est la partie de l'affirmation. Et il a donc restreint et limité l'adoration à Allah seul. Et il a nié l'adoration à tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'est, par le fait qu'il s'en est désavoué, hein? Il a fait son désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, comme cette explication est belle, hein, comme l'explication de cette parole est belle, et comme elle est grande. Donc, par rapport justement à ce verset, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, lui, il a fait un commentaire là-dessus. Et il a dit, « هذه فيها تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. قال لإبراهيم, أو قال لأبيه, قال لأبيه, بدأ بأبيه أقرب الناس إليه وتبرأ منه ومن عبادته وتبرأ من محبته وموالاته إنني براء مما تعبدون يعني براء يعني بريء متبرئ منكم ومن معبوداتكم وأصل البراءة البعد عن الشيء والانقطاع عنه فهذا فيه المقاطعة للمشركين والمقاطعة لمعبوداتهم والابتعاد عنها أو والابتعاد عنهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلا الذي فطرني معنى لا فهذا معنى لا إله إلا الله تماما لأن فيه نفي وإثبات إنني براء هذا نفي مثل لا إله إلا الذي فطرني هذا فيه الإثبات إلا الله فهذه الكلمة تتضمن معنى شهادة أن لا إله إلا الله فهي تفسرها وأن معناها البراءة من الشرك وأهله وعبادة الله وحده لا شريك له هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى والترجمة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وهذه الآية فسرت لا إله إلا الله من أين أتينا بتفسير لا إله إلا الله أتينا به من القرآن وليس معناها لا قادر على الاختراع وعلى الخلق والرزق إلا الله كما يقوله علماء الكلام فإن هذا لا يزيد على توحيد الربوبية وليس هو المطلوب وفي الآية البراءة من الشرك وأهله وأنه من معنى لا إله إلا الله والذي يقول لا إله إلا الله ولا يتبرأ من الشرك وأهله فإنه لم يقلها حقيقة وإن تلفظ بها ما دام لا يتبرأ من الشرك وأهله قال وجعلها كلمة أي هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني جعل هذه الكلمة باقية في عقبه أي في ذرية آدم فلا يزال في ذرية إبراهيم يعني أي في ذرية إبراهيم فلا يزال في ذرية إبراهيم من يقول هذه الكلمة ويدعو إليها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فأحيا ملة إبراهيم ودعا إلى هذه الكلمة وجاهد عليها هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan, il explique donc la signification qu'on peut tirer de ce verset par rapport à la parole du Tawhid et de la ilaha illallah. Donc il dit que ce verset est en réalité une explication, une interprétation du témoignage de la ilaha illallah. Et donc il a commencé par le fait de expliquer cette signification à son père. Parce que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ith qala Ibrahimu li abihi ». Donc il a commencé par son père, parce que son père, c'est bien entendu la personne la plus proche. Et il s'est désavoué de lui et de ce qu'il adorait. Puis, yani, il s'est désavoué donc de le prendre pour allié et de tout de ce qu'il aime et de ce qu'il prend pour allié. Et il dit ensuite, il s'est désavoué également donc vis-à-vis de son peuple. Et de son peuple. Et après, il leur a dit, innani bara'um mimma ta'budun. C'est-à-dire, je me désavoue de ce que vous adorez. Et al-bara'a, le terme bari, ça vient de al-bara'a. Et al-bara'a, qu'on a traduit par le désaveu, sa signification à l'origine, dans la langue arabe, ça implique le fait de s'éloigner de quelque chose ou de couper complètement quelque chose. Et donc ici, il y a donc la signification de couper les mushrikines, les idolâtres et ceux qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et de se couper également de ce qu'ils adorent et de leurs objets d'adoration et de leurs idoles. Et de s'écarter et de s'éloigner de ces idoles-là et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et donc Ibrahim alayhi salam, il dit « Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani ». Donc cette parole, c'est-à-dire « je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé », c'est la signification de la ilaha illallah de façon complète. C'est-à-dire que ça rentre parfaitement dans la signification et ça donne parfaitement le sens de la ilaha illallah. Et voici la raison pourquoi on dit ça, parce que le cheikh, il explique que dans la ilaha illallah, il y a deux parties. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, la partie de la négation et de l'affirmation. Maintenant, la négation, c'est « la ilah ». Et ça, c'est exprimé par la parole d'Ibrahim lorsqu'il dit « je me désavoue ». Donc, il s'est désavoué de tout ce qui est adoré par son peuple. Donc, ça correspond à « la ilah ». Parce que « ilah », c'est qu'est-ce qui est adoré. En arabe, « al-ilah », c'est « al-ma'boud ». Donc, « al-ilah », l'ilah, c'est ce qui est adoré. Donc, tout ce qui est adoré peut être appelé en arabe un ilah. Peu importe ce que ça peut être. Même si quelqu'un ne le considère pas nécessairement comme étant Dieu ou un créateur. Donc, du moment que quelqu'un adore quelque chose, même s'il ne croit pas que c'est le créateur, il l'a pris comme une divinité, donc il l'a adoré, il en a fait une ilah. Il en a fait une ma'boud. D'accord? Et donc ici, il dit, le cheikh, il explique donc que ça c'est la négation. Là et là, il n'y a rien qui doit être adoré ou qui mérite d'être adoré. Ça c'est le sens réel de la et là. Et la preuve, c'est qu'il dit « innani bara'um mimma ta'budun », c'est-à-dire « je me désavoue de tout ce que vous adorez ». Et les mushrikines du peuple d'Ibrahim, ils adoraient les étoiles, ils adoraient les statues, ils adoraient Allah, ils adoraient beaucoup d'autres choses. Donc il dit, je me désavoue de tout ce que vous adorez. Puis après il dit, illa alladhi fatarani, c'est-à-dire excepté de celui qui m'a créé. Et c'est qui l'a créé? C'est Allah. Donc je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté d'Allah. Et donc ça correspond à l'affirmation dans le témoignage, c'est-à-dire lorsqu'on dit illallah. C'est-à-dire excepté d'Allah. C'est-à-dire, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah, celui qui m'a créé. Et donc, c'est l'exacte signification de ce témoignage de l'islam qui est la ilaha illallah. Et la signification donc de la ilaha illallah, elle est exprimée donc dans cette parole d'Ibrahim et elle explique ce témoignage de la ilaha illallah. Et que ce témoignage signifie de se désavouer du shirk et des gens qui font le shirk, et d'adorer Allah lui seul sans associé et sans partenaire. Donc, quand on dit que la signification de la ilaha illallah, ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, eh bien, on peut le comprendre et on peut le tirer justement des versets dans le Coran qui expliquent ce témoignage. Et donc, on a vu que le titre de ce chapitre, le chapitre qu'on est en train de lire maintenant, c'est le chapitre sur l'explication du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah. On voit que il a mentionné des versets qui justement expliquent le témoignage de la ilaha illallah. Et le cheikh il dit, et d'où est-ce qu'on a tiré cette explication, hein, en voulant dire, yani, c'est pas une interprétation qu'on a sortie de notre propre tête ou de notre propre yani, imagination ou quelque chose qu'on a inventé nous-mêmes, hein, mais plutôt c'est une interprétation qui vient directement des paroles d'Allah dans le Coran et qui clarifie, hein, clairement la signification de ce témoignage-là. Et ce n'est pas comparable à l'explication ou à l'interprétation que font les philosophes ou ceux qui se disent, par exemple parmi les musulmans, ceux qui utilisent justement la philosophie pour essayer d'interpréter l'islam et pour essayer d'interpréter le témoignage de la ilaha illallah, comme ce qu'on appelle Ahlul Kalam. Donc eux, quand ils expliquent la ilaha illallah, eh bien, effectivement, ils ne se basent pas sur les explications qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna pour le faire, mais plutôt ils se basent sur la philosophie. Et à cause de ça, donc, ils ont déformé la signification du témoignage de la ilaha illallah. Ou du moins, ils l'ont restreint ou limité à quelque chose qui n'est pas justement son sens le plus profond et le plus complet. Comme par exemple, ici le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit que lorsque les gens de Kalam, eux, expliquent la signification de la ilaha illallah, ils disent que ça veut dire que personne n'a le pouvoir de créer. Personne n'a le pouvoir de créer ou de donner la subsistance excepté Allah. Et ça, en réalité, c'est pas faux en soi, dans le sens que c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul qui peut créer, c'est lui le seul qui peut donner le rizq et la subsistance, sauf que c'est faux de croire que ça c'est la signification de la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah, ça ne signifie pas ça. Hein? Ça ne signifie pas ça, puisque la signification de la ilaha illallah, elle est axé principalement sur la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et non pas sur l'affirmation de la rububiyya. Donc c'est ça que le cheikh explique ici. Il dit que l'explication que les gens de Kalam et les philosophes ont ramenée lorsqu'ils expliquent la ilaha illallah est de dire qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah ou personne ne donne la subsistance excepté Allah. Il dit ça en réalité, ça n'augmente ou ça n'ajoute rien. Ça n'ajoute rien à quoi? Ça n'ajoute rien à l'explication du tawhid, excepté la rububiyya. Et la rububiyya, c'est pas ça qui est recherché, en fait. C'est pas ça qui est exigé. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes reconnaissent la rububiyya et croient en la rububiyya. Même les kuffars et les mushrikins, ils reconnaissent souvent la rububiyya. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Et ça, c'est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Et effectivement, les mushrikins de Quraysh, ils croyaient en Allah. Ils croyaient qu'Allah était le créateur et que c'était lui qui a tout créé et que c'est lui le tout-puissant et celui qui contrôle tout. N'empêche qu'ils adoraient d'autres avec Allah parce qu'ils les prenaient comme intercesseurs, comme intermédiaires. Ils se rapprochaient d'elle en pensant qu'elle pouvait les rapprocher d'Allah. Et il leur offrait des adorations. Donc ça, c'était le shirk qu'ils faisaient. C'est la preuve que le fait de croire en la rububiyya, c'est pas suffisant pour être un musulman et pour être un croyant. Il faut, avant tout, se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de se désavouer du shirk que faisaient les mushrikines. Et c'est ça qui est expliqué ici, en fait. Donc, dans la parole d'Abraham, on voit clairement que le désaveu qui est mentionné, c'est pas un désaveu qui est relié à la croyance en la rububiyya, mais plutôt, qu'est-ce qui est relié avec al-uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration. Donc, il dit le cheikh, celui qui dit la ilaha illallah, wa alladhi yaqulu la ilaha illallah, Celui qui dit la ilaha illallah et qui ne se désavoue pas du shirk et des gens qui font le shirk, eh bien c'est comme s'il ne l'avait pas dit réellement. Hein? S'il dit la ilaha illallah mais il continue à adorer d'autres avec Allah et à prier à d'autres que Allah, donc c'est comme s'il n'avait pas dit la ilaha illallah en réalité. Hein? Et le cheikh il dit ensuite, فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهَا حَقِيقَةً. Donc il ne l'a pas dit réellement, même s'il l'a prononcé, du moment qu'il ne s'est pas désavoué du shirk et des gens qui font le shirk. Donc c'est fondamental que quelqu'un qu'une personne dit la ilaha illallah, il faut qu'il la dise et qu'il la mette en pratique en se désavouant de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et non pas seulement en prononçant cette parole. Et en croyant, par exemple, que de croire en la rouboubie, c'est suffisant. Combien de chrétiens, si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Si tu leur demandes combien il y a de divinités, combien il y a de dieux, ils vont dire il y a un seul Dieu. Pourtant, quand ils prient à Jésus, ils prient à Marie, ils prient à des saints. Hein, et ils se pensent, malgré tout, monothéistes. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils affirment qu'il y a un seul créateur. Hein. Donc, tout ça, c'est pour montrer en réalité que c'est pas suffisant de prétendre qu'il y a un seul créateur, il faut se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Même si tu dis qu'il y a un seul créateur, mais que par la suite tu vas adorer quelqu'un ou une créature quelconque, en dehors d'Allah, ça veut dire que tu fais du shirk, même si tu dis qu'il y a un seul créateur. Hein. C'est pas suffisant de juste affirmer l'existence du Créateur et que le fait que ce soit lui seul qui a créé ou que ce soit lui seul qui donne la subsistance. Il faut vraiment se désavouer de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui le font. Ensuite, le cheikh il explique, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset qu'il en a fait de cette parole, la parole quand il dit que je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté d'Allah, celui qui m'a créé, il a fait de cette parole quelque chose qui reste dans sa progéniture. C'est-à-dire que dans la progéniture d'Abraham, il y en aura toujours des gens qui vont prononcer cette parole et qui vont appeler à cette parole jusqu'à ce que, justement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit venu est venu avec, justement, la religion d'Abraham pour la faire revivre, cette religion. Et il a appelé à cette parole du tawhid. Et il a même combattu pour la défendre, cette parole de la ilaha illallah. Et voilà donc la réalité de la religion d'Abraham, qui est al-hanifiyatu samha. Hein, l'adoration d'Allah exclusive et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'adoration, c'est ça la religion d'Abraham. Naam. Donc, ensuite, le cheikh, il explique, il dit, donc, comme on a déjà expliqué les autres points, qu'est-ce qu'on a lu dans la parole de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit ensuite, « قال العماد ibn كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتضي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية قال فقلت إنهم لم يعبدوهم. قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. إياهم نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. أي نعم. Donc ça c'est l'explication suivante. Le cheikh il explique, donc il cite les paroles de Ibn Kathir dans son tafsir. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit donc au sujet de la partie du verset, et il en a fait une parole qui reste dans sa progéniture, c'est-à-dire cette parole, et c'est-à-dire, c'est la parole qui signifie l'adoration d'Allah seul, sans associé, sans partenaire, et le fait de se détacher ou de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors de lui parmi les idoles. Et c'est en réalité la parole de La ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et il en a fait, il a fait en sorte qu'elle reste dans sa progéniture et que ceux qui ont été guidés par Allah subhanahu wa ta'ala puissent se baser sur cet exemple de cette parole d'Ibrahim alayhi salam, donc parmi les progénitures d'Ibrahim alayhi salam, pour qu'ils puissent revenir, c'est-à-dire à cette parole du tawhid dans la progéniture. Ils ont cette référence-là et cet exemple-là dans leur ancêtre Ibrahim alayhi salam. Il dit ensuite le cheikh Ay ilayha, donc c'est ça. Et ça a été mentionné comme tafsir par Ikrima et Mujahid et Ad-Dahhak et Qatada et As-Suddi, des imams parmi les imams du tafsir, parmi les salafs. Et d'autres également ont mentionné ce tafsir. Ensuite, le cheikh, il dit, et il en a fait une parole qui reste dans sa progéniture, c'est-à-dire La ilaha illallah, et dans sa progéniture, il y a toujours des gens qui le disent, qui disent cette parole du tawhid de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc en ce qui concerne le point ici, le cheikh il dit ja'alaha Allah, cheikh al-Fawzan il dit ja'alaha Allah kalimatan baqiyatan fi dhurriyyatihi fala yazalu fi dhurriyyati Ibrahim man yukhlisu al-ibadati lillahi 'azza wa jalla. Donc ici, le cheikh, il explique que donc c'est ça. Il en a fait une parole qui reste dans sa progéniture, c'est-à-dire que cette parole de la ilaha illallah, il y en aura toujours dans sa progéniture, des gens qui vont le dire. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vont contredire, mais certains d'entre eux, certains d'entre eux vont continuer à prôner le tawhid et à l'appliquer parmi sa progéniture. Il dit ensuite, il explique maintenant ensuite le verset suivant qui est mentionné par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et c'est le verset dans Surat At-Tawbah, le verset 31. Et c'est un verset important parce qu'il a une signification qui est assez profonde et assez importante à comprendre pour comprendre le tawhid comme il faut. Le verset ici, c'est le verset suivant: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. Donc ce verset, le verset 31 dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dedans ce qui signifie: ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah, et ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Louange à lui, gloire à lui, de ce qui, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe, du shirk qu'ils font avec lui. Donc ici le cheikh il mentionne ce verset là. Cheikh Al-Fawzan il fait un commentaire là-dessus. Il explique ce verset, il dit: "Hadhihi al-aya fi ar-radd 'ala al-yahudi wa an-nasara ahlu al-kitab ittakhadhu ahbarahum al-ahbar jam'u habr وهو العالم من علماء اليهود، ويجوز الكسر والفتح. والرهبان هم العباد جمع راهب وهو العابد. والرهبان عند النصارى والأحبار عند اليهود، هاتان الطائفتان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث صاروا يطيعونهم في معصية الله ويحللون لهم الحرام ويستحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. وهذا التحليل والتحريم هو من معنى لا إله إلا الله، حق لله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حلل أو حرم من عند نفسه فقد جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه، ومن أطاعه في ذلك وهو يعلم أنه يحلل ويحرم من عند نفسه فقد اتخذه شريكا، اتخذه ربا وشريكا لله عز وجل. والمسيح ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم يعني رسول الله، رسول من عند الله، والرسل لا يحللون من ولا يحرمون من عند أنفسهم، وإنما يبلغون عن الله عز وجل ولا يخترعون شيئا من عند أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا فيه تحريم طاعة العلماء والعباد في معصية الله عز وجل، وأن من أطاعهم في معصية الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهذه الآية تفسر التوحيد، وهي أن الطاعة المطلقة في التحليل والتحريم لله عز وجل، فما أحله فهو الحلال، فليس من حق أحد أن يحرمه، وما حرمه الله فهو الحرام، وليس من حق أحد أن يحلله أبدا، لا الرسل ولا الأحبار ولا الرهبان ولا غيرهم. هذا حق لله وهذا حق الله عز وجل. On va traduire cette partie très importante. Ici, le cheikh il explique que ce verset 31 dans Sourate At-Tawbah, c'est une réfutation des juifs et des chrétiens, des gens du livre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet qu'ils ont pris leur rabbin, Al-Ahbar, et Al-Habr. Al-Ahbar, c'est le pluriel du mot Habr. On peut aussi dire Hibr. Et c'est le savant parmi les juifs. On les appelle Habr ou Ahbar, les rabbins. Yani. Ça, c'est les savants chez les juifs. Et Ar-Ruhban, c'est le pluriel du mot Rahib. Et c'est en réalité les adorateurs parmi les chrétiens. Les adorateurs parmi les chrétiens. Aussi, les rabbins dans la religion chrétienne, c'était souvent aussi des savants, malgré qu'ils étaient des adorateurs aussi, mais ils étaient aussi parmi les savants de la religion, dans le sens qu'ils se consacraient parfois à l'étude des textes, à la retranscription, à la traduction, et à toutes sortes d'autres fonctions également, de l'enseignement de la langue et autres. Donc c'était pas seulement des adorateurs, c'était aussi parfois des savants. À la kulli hal, ici, qu'est-ce qu'on explique dans ce verset, comme le cheikh il l'explique, c'est que ces deux groupes, les rabbins et les moines, ils ont pris, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, les juifs et les chrétiens, donc ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, du fait que ils leur ont obéi dans la désobéissance d'Allah, en rendant halal ce que Allah a déclaré haram, et en rendant haram ce que Allah a déclaré halal, et ils les ont suivis dans ce changement-là de la religion d'Allah. Ils les ont suivis dans ce que les rabbins et les moines ont changé de la religion d'Allah. C'est-à-dire que les Juifs et les chrétiens ont obéi à leurs moines et à leurs rabbins dans la falsification des ordres d'Allah, en rendant halal ce qui est haram ou en rendant haram ce qui est halal. Et par conséquent, du fait qu'ils les ont obéi dans ça, c'est comme s'ils les avaient pris comme des seigneurs avec Allah, des égaux avec Allah. Puisque, comme le cheikh ici il l'explique, il dit que le fait de rendre quelque chose halal ou de rendre quelque chose haram, c'est un droit exclusif d'Allah. Personne n'a le droit de rendre halal ce que Allah a rendu haram ou de rendre haram ce que Allah a rendu halal. Et en fait, même le droit même de rendre halal ou haram, c'est un droit exclusif d'Allah. C'est-à-dire la législation, le fait de légiférer, de faire des lois, de permettre ou d'interdire, de rendre licite ou illicite, de rendre quelque chose, criminaliser quelque chose ou non. Ça, c'est un droit exclusif d'Allah. Personne parmi les créatures n'a le droit de le faire. Et c'est seulement Allah qui a le droit de faire cela. Et le cheikh, il dit donc, du fait que les juifs et les chrétiens ont obéi à leurs moines et à leurs rabbins dans la désobéissance d'Allah en rendant halal ce qui est haram ou en rendant haram ce qui est halal, eh bien ça, c'est quelque chose qui contredit la signification même du témoignage de la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et le fait de rendre halal quelque chose ou de rendre quelque chose haram, c'est un droit exclusif d'Allah. Donc personne n'a le droit de le faire, personne n'a le droit de légiférer ou de rendre licite quelque chose ou de rendre quelque chose illicite, excepté s'il a une preuve qui vient du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors quiconque légifère quelque chose dans la religion ou essaie de rendre halal quelque chose qui est haram ou de rendre haram quelque chose qui est halal de lui-même, c'est comme s'il s'était placé comme un partenaire avec Allah dans qu'est-ce qui fait partie de ses caractéristiques. Et quiconque par conséquent obéit à cette personne qui a changé la religion d'Allah de cette façon, ou qui a rendu halal quelque chose de haram, ou rendu haram quelque chose de halal, et la personne qui lui obéit dans ça, alors qu'elle sait que cette personne a rendu halal ce qui est haram, ou haram ce qui est halal, d'elle-même, alors c'est comme si, par conséquent, il a pris cette personne comme un partenaire et un seigneur avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a donc commis le shirk. Donc c'est pour ça que parfois, vous entendez des koufars qui disent ces musulmans, en parlant des salafis ou en parlant des gens de la sunna, ils disent ces salafis, ils ont politisé la religion ou bien ils en ont fait un mouvement politique. Pourquoi? Parce que le sens même de la religion musulmane et il touche à des questions politiques. Et ça fait partie des questions politiques aussi, dans le sens que dans l'islam, les êtres humains n'ont pas le droit de légiférer par eux-mêmes des choses ou de rendre quelque chose licite ou illicite. Or, dans la démocratie, c'est justement ça le but. Hein? Le but de la démocratie, c'est ça. C'est d'opposer Allah subhanahu wa ta'ala dans son droit exclusif de légiférer. Puisque dans la démocratie, c'est les hommes qui sont élus dans le parlement, hein, et dans l'assemblée du peuple, l'assemblée nationale, et qui se permettent de faire des votes pour voter des lois pour rendre des choses licites ou rendre des choses illicites. D'accord? Donc si c'est des lois qui viennent en contradiction avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, et qu'on rend halal ce qui est haram ou on rend haram ce qui est halal, alors dans ce cas-là, c'est du shirk, c'est du kofr. Et c'est en opposition même avec le principe le plus fondamental de l'islam, qui est le témoignage de la ilaha illallah et le tawhid. D'accord? Donc ceux qui disent non, la démocratie c'est en accord avec l'islam, il n'y a pas de contradiction avec l'islam, eh bien ça veut dire qu'ils n'ont même pas compris la ilaha illallah en réalité. Parce que s'ils avaient compris la ilaha illallah, ils ne pourraient jamais prétendre ou penser que on peut accepter une idéologie qui permet aux êtres humains de rendre licite ce qui est illicite ou de rendre illicite ce qui est licite. Hein? Puisque ça, c'est en contradiction même avec le tawhid. Hein? De croire qu'on peut rendre licite l'alcool ou la fornication ou l'adultère ou certaines drogues, hein? Ou de rendre licite l'homosexualité, la sodomie ou des choses de ce genre. Ou bien d'abolir des choses qui ont été légiférées par Allah, hein? D'abolir la polygamie, ou d'abolir, par exemple, on va dire que l'islam a permis certaines règles ou certaines choses, il a établi certaines règles et certaines punitions pour certains crimes, et de dire non, on va abolir ça, on va abolir la peine de mort, par exemple, alors que dans l'islam, il y a la peine de mort, hein? La lapidation, couper les mains des voleurs ou des choses comme ça, ils vont dire non, non, non, ça c'est des choses anciennes, c'est fini maintenant, on ne l'applique plus, on abolit ça, ces choses-là. Ben ça, c'est un exemple aussi de contradiction avec l'islam et contradiction avec la charia d'Allah. Et c'est un exemple de kufr et de shirk. Pourquoi ? Parce que tu rejettes et tu légifères quelque chose qui vient en contradiction avec ce que Allah a légiféré. Donc ça, ce n'est pas des choses que quelqu'un qui est musulman peut prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut, disons, accepter ou dire « Ouais, finalement, non, ce n'est pas grave. Hein? » Non, ça a un rapport direct avec « La ilaha illallah », avec le fondement le plus important de la croyance islamique et le cœur même de la religion, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui disent « Ah, ceux qui sont islamistes, ils veulent politiser la religion », non, non, non, ça n'a pas rapport avec ça. La religion musulmane n'a jamais été séparée de la politique. L'erreur que certains islamistes ont fait et que les koufars justement utilisent pour justifier ça en disant qu'ils ont politisé la religion, ben ces islamistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme les frères musulmans par exemple, ils ont corrompu la religion en incorporant dans l'islam des aspects politiques ou des règles politiques qui viennent des koufars qui sont en contradiction avec l'islam. Et ils ont essayé de l'utiliser pour, soi-disant, arriver à des objectifs qu'ils prétendent, eux, être islamiques. Et c'est ça ce qui a perverti, en fait, le message même de la religion musulmane. Comme, par exemple, lorsqu'ils ont dit « on peut utiliser les méthodes des koufars pour arriver à appliquer la charia de l'islam et pour arriver à établir la religion ». Hein, dans la politique. Donc ils ont dit on va utiliser les votes, on va utiliser les partis politiques, on va utiliser les élections, on va utiliser la démocratie et on va prôner ces choses-là. Même parmi les Ikhwan, il y en a aujourd'hui qui se disent laïcs et qui prônent la laïcité et qui prétendent que la laïcité c'est pas nécessairement contraire à l'islam. Hein. Donc parmi ces gens-là, on en a entendu plusieurs qui ont dit oui, il y a une laïcité qui est contraire à l'islam, c'est la laïcité athée. Puis il y a une autre laïcité qui n'est pas contraire à l'islam et ainsi de suite. Et la même chose, ils ont essayé de faire avec la démocratie, ils essaient de la diviser en deux. Alors qu'en réalité, il n'y a pas cette division-là. Peu importe qu'elle soit athée ou non, peu importe que la démocratie soit interprétée comme eux ils l'interprètent ou bien qu'elle soit interprétée comme ceux qui l'ont inventée. À la base, si on revient à la signification de la ilaha illallah et qu'on essaie de comprendre réellement qu'est-ce que signifie la ilaha illallah, eh bien, il n'y a pas moyen de faire que ces idées-là soient acceptées en islam. Donc la question, et souvent c'est ça qui est important d'expliquer aux koufars et aux musulmans, la question n'est pas de savoir est-ce que l'islam disons, comme souvent on entend les koufars qui posent cette question-là. Est-ce que l'islam est compatible avec les idées de la république de tel pays ou de tel pays? Ou est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Ça, ce n'est pas notre question à nous, les musulmans. Ça, c'est la question des koufars. Notre question à nous, hein, les musulmans, c'est est-ce que l'islam et la charia est compatible avec la démocratie? Et la réponse, c'est non. On ne peut pas accepter ces idéologies-là et ces mentalités-là. Et quand j'entends des gens, dernièrement, j'entendais des vidéos dans certains pays musulmans, des gens qui sont dans la rue, comme des voyous, puis qui crient des slogans et qui chantent des chansons pour dire on veut un État démocratique, et qui prétendent ou qui pensent qu'en établissant un État démocratique dans leur pays, soi-disant, même si leur pays prétend déjà être démocratique, mais s'ils pensent qu'en appliquant la démocratie, que ça va régler les problèmes de leur pays, ils sont totalement dans l'erreur. Hein? Parce que c'est pas ça qui va régler les problèmes. Et même si ça règle des problèmes, ça va en créer d'autres. Hein? Et de toute façon, ala kulli hal, c'est pas une question de choix ici. Si on est musulman, c'est pas une question de choix. Et c'est pas une question seulement de régler des problèmes ou non. C'est une question d'adoration. C'est une question de aqida. C'est-à-dire que si tu es musulman et que tu crois en ta religion, tu n'as pas d'autre choix que de faire ça. Si tu crois en Allah et si tu veux l'adorer correctement, tu vas le faire comme lui, il t'ordonne de le faire. Et non pas comme toi, tu veux le faire. Donc, si tu dis par exemple, on va appliquer tel système parce que c'est ce système-là qui va régler tel problème, et que tu es capable de dire ça alors que tu sais que ce système est en contradiction avec l'islam, donc ça veut dire que ton seul objectif à toi, c'est d'essayer de régler un problème et non pas d'adorer Allah. Et ça, c'est si tu imagines ou tu penses que justement le fait d'appliquer l'islam ne va pas le régler, ce problème-là. Alors que souvent, le problème, à l'origine, il vient du fait que l'islam n'a pas été appliqué. Hein? Et tu veux essayer de résoudre ce problème-là en désobéissant plus à Allah. Alors, ça va ne faire que rajouter plus de problèmes encore. À la kulli hal, beaucoup de gens sont aveuglés par leurs passions et leurs désirs. Et aussi, parfois, ils revendiquent ces choses-là au nom de ces idéologies-là parce qu'ils veulent un support. Des pays occidentaux pour leur rébellion contre leur propre gouvernement dans les pays musulmans. Et on sait qu'est-ce que ça fait comme résultat, ça. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Irak, on l'a vu dans d'autres pays, et ça continue encore dans beaucoup d'autres endroits. Nasallallahu al-afiyah. Tout ça, on n'en a pas besoin. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment revenir à la compréhension et à l'étude de nos principes et de notre religion, et cesser de répéter les slogans des koufars comme des perroquets, pensant que ça va nous sauver ou que ça va nous aider. Le cheikh il dit ensuite, donc que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Donc ils les ont pris comme des égaux avec Allah, comme des seigneurs avec Allah, comme des partenaires avec Allah, en pensant ou en croyant qu'ils avaient le droit de légiférer et de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal. Donc que ce soit des moines ou des rabbins, ou que ce soit des ministres ou des députés dans un parlement qui rendent halal ce qui est haram, c'est toute la même chose. Si tu crois que c'est permis de faire ça, yani c'est du kufr et du shirk. Et il dit ensuite, « Wal Masih ibn Maryam » ainsi que le Messie, Jésus, fils de Marie. Alors que Jésus, le Messie, hein, fils de Marie, le fils de Marie, Jésus, c'est un messager d'Allah. Il a été envoyé par Allah. Et les messagers d'Allah n'ont pas le pouvoir ni la capacité de rendre licite ou illicite quelque chose de par eux-mêmes. Hein. Et ils ne font que transmettre ce que Allah leur a transmis et révélé. Ils n'inventent rien d'eux-mêmes. Hein. Alors, si c'est le cas des messagers, que même les messagers d'Allah, comme Isa, comme Moussa, comme Muhammad, hein, alayhi salatu wassalam, ils ne peuvent même pas changer ou déformer ou changer quoi que ce soit des ordres d'Allah ou de la charia. S'ils n'ont pas le droit de le faire et s'ils ne peuvent pas le faire, alors que dire de ceux qui prétendent justement venir les suivre, ces messagers-là? Hein, comme les moines et les rabbins ou les ulamas, c'est la même chose. Même parmi les ulamas de l'islam, Hein? C'est la même chose. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, ça s'applique pas seulement aux juifs et aux chrétiens, mais ça s'applique aussi aux musulmans. S'ils prennent leurs shuyukh et leurs ulama comme des seigneurs en dehors d'Allah, en les suivant dans ce qui est haram, ou en rendant plutôt ce qui est halal, ce qui est haram, et qu'on les suit dans ça, alors ça revient à la même chose. S'il y a des shuyukh qui rendent les sites des choses haram, ou qui innovent et font des bid'a, et que nous, on croit que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le droit de le faire, et que c'est permis pour eux, alors ça revient à la même chose. Ça devient à faire la même chose que ce que font les juifs et les chrétiens. D'accord? Donc, c'est pas seulement pour les juifs et les chrétiens ici. Et là, même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les mushrikins, justement, ils disaient au prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de changer quelque chose dans le Coran. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre à ça. Hein? Comme par exemple le verset 15 dans Surat Yunus. Le verset 15 dans Surat Yunus, qui est la Surat numéro 10. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. C'est-à-dire, et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent: apporte un autre Coran que celui-ci, ou change-le. Hein? Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de changer le Coran ou d'amener un autre Coran. Il dit: il ne m'appartient pas à moi, hein, de le changer de mon propre chef, hein, de moi-même. Je ne fais que suivre ce qui est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Donc ça prouve que même le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas le droit, ni le pouvoir, ni la capacité de changer la révélation ou quoi que ce soit de la révélation. Alors comment quelqu'un aujourd'hui pourrait prétendre ou penser que, hein, il a l'autorité ou le pouvoir de faire des modifications à la charia ou de changer quoi que ce soit de la charia au nom de la démocratie ou au nom de la laïcité ou au nom d'autre chose? Ça, c'est impensable et impossible et interdit totalement, hein, de penser ça. Donc, même le prophète Isa, Jésus, fils de Marie, il n'a pas le droit de changer quoi que ce soit de la religion, excepté ce qui lui a été révélé d'Allah. Hein? Et justement, il est venu pour alléger la religion de certaines punitions qui avaient été données aux fils d'Israël. Mais malgré ça, les fils d'Israël n'ont pas voulu croire en lui. Hein? Ils l'ont renié. Et il dit ensuite, dans le verset, ولهذا قال وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. Alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer une divinité unique. Alors pourquoi ils ont, hein, au lieu de faire ça, pourquoi ils ont continué à faire le shirk? Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il y en a gloire et pureté à lui. Hein, il est gloire et pureté à lui de ce qu'ils lui associent ou de ce qu'ils font comme shirk avec lui. Et donc le cheikh dit que ça, c'est dans ce verset, il y a donc l'interdiction pour les ulama, les savants et les adorateurs, hein, de rendre haram ce qui est halal ou de rendre halal ce qui est haram, ou d'obéir à ces hommes-là dans la désobéissance d'Allah. Comme on dit le principe, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Hein? Et ici, il est important de comprendre la différence entre le fait de commettre un péché et le fait de rendre halal ce qui est haram. C'est deux choses différentes. Et le fait de rendre quelque chose haram qui est halal ou de rendre halal ce qui est haram, ça c'est du kufr, c'est de la mécréance. Parce que ça consiste à renier ce que Allah a révélé. Tandis que le fait de commettre un péché, quelqu'un reconnaît hein, l'ordre, mais il désobéit à l'ordre à cause de sa faiblesse ou à cause de sa passion qu'il suit, mais sans toutefois renier l'ordre et sans toutefois essayer de changer l'ordre. Hein. Donc il y a une grande différence entre ces deux choses-là. D'accord? Et c'est ça ici qui est important de comprendre. Si quelqu'un suit un homme de science, par exemple, qui rend halal ce qui est haram, mais sans savoir que cet homme de science-là a déformé la religion d'Allah, alors dans ce cas-là, ce ne sera pas un exemple de kufr ou de shirk, parce que la personne, elle ne savait pas. Hein? Parce qu'elle faisait confiance à cet homme de science, elle pensait que c'était un savant honnête et fiable, alors elle l'a suivi dans une fatwa ou quelque chose comme ça. Alors dans ce cas-là, hein, c'est pas du kufr ou du shirk. Mais par contre, si elle le fait en sachant réellement que ce que cet homme de science a donné comme jugement contredit ce que Allah dit dans le Coran ou contredit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna authentique et qu'elle le fait malgré tout, avec connaissance, alors dans ce cas-là, là, ça devient du kufr et du shirk parce qu'elle le fait avec connaissance et elle sait que la personne en question a désobéi à Allah, tandis que si elle ne le savait pas, eh bien, elle fait ce qu'elle fait en pensant qu'elle obéit à Allah, parce qu'elle pense que c'est le jugement qui vient d'Allah. Donc, elle n'est pas punie pour ça, elle ne sera pas punie pour ça. Mais si elle sait que le jugement contredit la loi d'Allah et elle obéit à cet homme-là dans le haram, avec connaissance, alors là, dans ce cas-là, c'est clair que cette personne, elle est dans le kufr, elle est dans le shirk. Et donc, le cheikh, il dit que donc celui qui obéit à ces hommes dans la désobéissance d'Allah, c'est comme s'ils les avaient pris comme des seigneurs en dehors d'Allah s'ils savent que ces hommes-là ont contredit la religion d'Allah. Et ça, c'est l'explication hein, du tawhid. Ces versets expliquent hein, un aspect du tawhid également, c'est-à-dire que l'obéissance absolue dans le fait de rendre licite ou illicite, ça c'est quelque chose qui appartient uniquement à Allah. On n'a pas le droit d'obéir de façon absolue à quiconque dans ce monde, excepté à Allah et son messager. Donc, quiconque rend halal, hein, donc le fait, le cheikh dit, donc ce qui est halal, c'est ce que Allah a déclaré comme étant halal. Et personne n'a le droit de le rendre haram. Et ce qui est haram, c'est uniquement ce que Allah a déclaré haram. Et personne n'a le droit de le rendre halal. Ni un messager, ni un moine, ni un rabbin, ni un savant, ni un cheikh, ni un imam, ni un khalifa, ni un amir, peu importe qui il est, hein, ni un ministre, ni un juge, ni un savant, ni un... peu importe qui il est, mais, ni un président, ni un... Peu importe qu'est-ce qu'il a comme titre, ça c'est un droit exclusif d'Allah. Et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de rendre halal ou haram dans la religion de l'islam. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera l'explication au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته